Ma bulle, c'est comme une pensée enfantine, légère et insouciante. Cette bulle, dans laquelle parfois on me croit enfermée, m'apporte tellement d'ouverture. Je ne choisis pas le moment où elle s'impose, ni celui où je la provoque, parce qu'elle m'est nécessaire. Elle me convient, me protège, me libère, me rassure et me permet de rencontrer des personnes singulières. Car dans ma bulle, je ne suis jamais seule. Dans ma bulle. Salut à vous chers amis et bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va remonter le temps. On vous emmène en août 2003, à Paris, en France. On vous plonge en plein championnat du monde d'athlétisme et on va revivre en votre compagnie la finale du 800 mètres. Avec nous, le champion du monde, Issa Jabir Saïd Ghani. Et outre cette belle consécration, Issa Jabir revient aussi sur les JO de Sydney et puis il rend un vibrant hommage à son défunt père, Zine Labidine Saïd Ghani. On va retrouver Issa Jabir dans quelques instants, juste après ce petit clin d'œil à notre champion. Voici Crystal Fighters avec Champion Sound. Started seeing what we're doing, still doing everything we want. And maybe one day we'll go to rehab or back to Argentina. It's not that far away in the day now. Just hoping someday I'll play my concertina to an arena full of people, or I'll dream my life away, dreaming of the day. When I find my girl, love will be amazing. Champion sound. When I find my girl, love will be amazing. Champion sound. Champion sound. Merci à vous de rester avec nous dans ce tête-à-tête avec un champion du monde algérien. Franchement, moi, je suis ravie et honorée de l'avoir enfin dans l'émission. On va bien sûr revenir sur sa très très belle carrière. Il est champion du monde du 800 mètres. Ça s'est passé en 2003. Vous l'aurez compris, il s'agit de Issa Djabel Saïd Ghani. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Merci à vous pour avoir encore pensé à moi, comme toujours. Voilà. Bah, on ne peut pas ne pas penser à vous quand on parle de personnalités algériennes qui ont marqué le pays. Vous l'avez fait en remportant une médaille d'or à Paris-Saint-Denis en 2003, c'était lors du championnat du monde d'athlétisme, mais aussi une médaille de bronze, c'était à Sydney en 2000, au JO, bien entendu. Mais on va parler de ces deux belles consécrations, on va revenir sur la carrière sportive que vous avez eue. On va essayer de parler d'autre chose, pas que de sport. On va essayer de mieux connaître Issa Djabel Saïd Ghani au terme de cette émission. Voilà, bref, on vous invite à rencontrer avec nous le champion du monde du 800 mètres. Avant de revenir sur cette carrière et de parler de plein de choses, tous les Algériens se posent la question, que devient Issa Djabel Saïd Ghani ? Oh, bonne question ça. Bah, en fait, après avoir tiré révérence, on va dire, de ma carrière sportive... La retraite, oui. J'ai pris part au ministère de la Jeunesse et des Sports en tant que cadre, bien sûr parce que j'avais fait des études en sport. Et en parallèle, j'avais entamé des études en management à l'Université d'Alger, que j'ai terminé. Et entre autres, j'ai pu être nommé en tant que directeur général à l'École nationale olympique de Sétif. De cela, j'ai entamé encore d'autres, on va dire, pas des responsabilités, mais des missions au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Toujours dans le sport, quoi. Toujours dans le sport. Issa Djabel Saïd Ghani ne peut pas s'éloigner du monde sportif. Plus ou moins, mais quand même, j'ai été amené à faire plein de choses à côté, comme consultant auprès de télé ou de radio, dans le sport et dans d'autres secteurs aussi, le développement, on va dire, du visuel. Et j'ai fait aussi une petite émission, on va dire, télévisuelle, qui est passée, je pense, il y a 2 ans de cela, concernant la santé et le sport. Et j'y travaille toujours dans cette même vision. Donc maintenant, je vise après avoir eu mon diplôme en management et tout ça, relier les deux diplômes et les deux mondes du management et du sport afin de faire d'autres projets dans le futur. Voilà. Et le sport, est-ce que vous en pratiquez toujours ? Bah, j'en pratique, bien sûr que j'en pratique pour moi-même. De loin, j'ai toujours un œil sur l'athlétisme algérien. Autre chose, je fais du foot parce que... Oui, vous jouez dans un championnat aussi, non ? Oui, j'ai joué l'année dernière en France. J'ai joué dans un championnat français où on a réussi quand même à monter de division. On est en division 1. C'est le championnat, ce qu'on appelle le championnat CDM, championnat du dimanche matin, voilà. Et le sport, ça reste toujours là. Voilà. Mais là, vous vous éclatez en faisant du football, hein, parce que ce n'est pas votre, on va dire, discipline de prédilection. Ce n'est pas de l'athlétisme. Mais j'ai vu des images sur Internet. Issa Djabel aime bien jouer au football, hein, et puis je pense qu'il manie bien le ballon rond. Non, ça va. Puisque j'ai été pris dans une équipe en France, donc moi, mon poste, que même avant de faire l'athlétisme, on va dire, dans les quartiers, dans les trucs que je veux jouer, c'était arrière-droit, donc en défense. Et en France, quand j'ai fait mon dispute pour rentrer dans ce club-là, c'est avec des jeunes de 22 ans, 23 ans, j'ai réussi à avoir ma place, à mon âge quand même. Donc, ce qui fait que, voilà, je m'éclate, je me fais plaisir. En fait, ce qui est bien, c'est que de son championnat, j'ai pas une pression comme celle de l'athlétisme, parce que l'athlétisme, c'était représenter le pays au mieux et de ramener le maximum de médailles et de victoires. Donc là, c'est juste pour le plaisir, donc je m'éclate, voilà. Issa Djabel, pour beaucoup de jeunes, en tout cas, vous êtes, je pense que vous le savez, un exemple de réussite et donc un exemple à suivre, hein, pour un athlète qui a envie de faire une carrière sportive avec à la clé des médailles et des podiums. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait que vous soyez l'idole des jeunes? Ah, vous m'envoyez la vie, ça. L'idole, je sais pas si je suis une idole, mais certes que par moment je vois des enchantements, on va dire, de petits jeunes qui ont un petit peu mon âge, un peu moins, et d'autres jeunes qui suivent un petit peu le sport et le monde du sport à travers Internet, ce que j'avais fait à l'époque, et qui sont très ravis, qui viennent et qui me demandent et qui veulent se photographier, par exemple. Certes, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir que le peuple algérien, que la jeunesse algérienne s'intéresse au sport et surtout s'intéresse aux gens qui ont marqué l'histoire sportive algérienne. Donc voilà. Ce qui est bien, en tout cas dans votre cas, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est que quand vous êtes en face de jeunes athlètes, vous êtes aussi jeune. Ce n'est pas le champion qui a marqué une décennie et qui est aujourd'hui assez âgé, qu'on n'arrive pas peut-être pas à aborder, mais vous avez l'esprit jeune, vous êtes jeune parce que vous avez pris votre retraite très tôt aussi, à 30 ans, mais vous restez jeune et vous êtes très accessible. Bah, je suis jeune, je ne sais pas, bah, j'ai 38 ans aujourd'hui. Mais... Ce n'est pas vieux ça, franchement. Oui, ça, certes, ce n'est pas vieux, mais non, moi ce que j'ai, c'est que c'est ma devise, c'est que même si on est champion du monde, même si on est ce qu'on est, il faut toujours rester sociable, rester sociable avec les gens, parce que quoi qu'il en soit, ces jeunes-là, peut-être un dans une dizaine de personnes, qui pourraient être vraiment attirés par ce que j'ai fait et qui pourraient faire encore mieux et améliorer ce que j'ai fait, ce que d'autres personnes comme moi ont fait pour ce pays. Et surtout, c'est quelque chose de formidable de voir que voilà, on peut pousser des jeunes à faire des choses formidables. Voilà. Est-ce qu'on vous envoie via Internet, via les réseaux sociaux, est-ce qu'on vous contacte en tant qu'ancien champion du monde? Oui, beaucoup. Je reçois, on va dire, pas quotidiennement, mais presque, on va dire... Par semaine, j'en reçois minimum 100 personnes qui me demandent de faire les réseaux sociaux, d'être amis avec moi ou de demander carrément, pas que des Algériens, bien sûr, que des conseils sur l'entraînement, des conseils de récupération, des conseils de gestion de carrière. Et tant que je peux, je le fais. Sincèrement, je le fais. Des fois, peut-être, je réponds pas vite fait parce que des fois, je suis pris par le temps, mais je réponds dans la semaine, 3 jours maximum, je réponds aux gens. Et voilà, je dis que c'est quelque chose de bien. Voilà. Alors, Issa Djabir Saïd Ghani, vous êtes né dans une famille de sportifs. Votre papa, Larhmo, était un sportif. Votre maman aussi l'était. Je pense qu'elle est toujours sportive. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il était presque naturel pour vous de devenir sportif, athlète de surcroît? Mais ce qui est bizarre, c'est que l'athlétisme n'était pas votre meilleure, on va dire, la discipline que vous aimiez quand vous étiez plus jeune. Voilà, exactement. En fait, comme vous avez précisé, mon père déjà faisait partie de l'équipe nationale de hand dans les années 60, de handball. Ma mère, elle faisait du volleyball au groupe laïque. Donc, c'est assez naturel qu'un des enfants, pour pas dire tout le monde, fasse du sport. Mais chez nous, tout le monde faisait du sport, tout le monde a fait du sport, tout le monde a fait du sport de haut niveau, sauf la dernière, qui a fait quand même un bon parcours au niveau national. Mais voilà, donc pour moi, c'est tout à fait normal que je sorte dans le sport. Certes aussi que mon sport favori, c'était le handball. Parce que comme papa. Voilà, comme papa. Et j'aime toujours le hand. Donc voilà, donc je n'ai connu que le hand pendant presque toute mon enfance. Après, je me suis retrouvé en athlétisme vraiment comme par hasard parce que j'avais un entraîneur qui était excellent, qui nous a très bien éduqués dans le hand, qui est mort, l'Arhamou Mohamed Bezeror, et qui avait pris, quand il a changé de catégorie, il avait pris les juniors filles. Et nous, on était obligés de partir chez d'autres entraîneurs, où moi, j'ai pas très aimé l'autre entraîneur. Donc, j'ai essayé de l'athlétisme et à mes premiers tests, il s'est avéré que j'étais bon. Voilà. Donc après, ça s'est commencé doucement. C'est aussi peut-être grâce à votre frère aîné, lui aussi était athlète. Mmh. Et il vous a un peu... C'était le déclic pour vous de le voir pratiquer ce sport? C'est un peu normal. Le cadet toujours suit le grand. Donc, j'ai vu mon frère arrêter le hand aussi, qui est parti en athlétisme. Il était dans le club de l'URC Kouba. C'était une école d'athlétisme à l'époque. Et c'était l'équipe phare, l'école phare d'Alger, il faut le dire. Donc, j'ai vu l'ambiance. Moi, je me suis dit, mon frère, il faut suivre son frère. C'est juste, comme on dit, l'enfant suit son père et le cadet suit son grand frère. Donc, moi, j'ai fait la même chose. Après, c'est le fait de voir que mon frère était très bon. Quand on était jeune, il était encore plus bon que moi. Il a arrêté tôt aussi, il a arrêté très tôt. Après, moi, j'ai continué et persévéré. Et ça ressemble à quoi un dîner ou un déjeuner d'une famille de sportifs, le papa, la maman, les enfants, les filles, les garçons? Est-ce que ça parle autour de la table? Est-ce que ça ne parle que de sport? On va dire, quand on était jeune, oui, c'est normal, parce que quand on était très jeune, on était tous dans le cocon familial, on était tous réunis. Après, moi, quand je suis parti, très jeune aussi, je suis parti, fin d'adolescence, je suis parti de la maison, donc pour les sacrifices du haut niveau. Mais ce qu'il y a, c'est que même en revenant, On parlait que de sport. Par exemple, nous, on a commencé à parler de sport de l'âge de 4 ans, 5 ans. On connaissait beaucoup de choses dans le sport que d'autres personnes ne connaissaient pas. Même quand on jouait à la maison, par exemple, les jeux de société, avant, toutes les familles jouaient aux jeux de dames, le Monopoly, tout ça, le Scrabble, et tout ça. Nous, c'était des échecs. Ça veut dire que c'est déjà sport. C'était un sport. C'est-à-dire que même mon père, à l'époque, il nous apprenait le sport. C'était cérébral. Oui. Voilà, cérébral. On jouait des échecs. D'ailleurs, à l'âge de 8 ans, déjà, j'étais quand même assez bon aux échecs. Donc, ce qui fait qu'on parlait que de sport, même de nous, c'était le hand. Comme c'est le hand, moi je connaissais le hand et les tactiques et de jeu assez jeune. Donc, ce que M. Deroise à l'époque avait fait, pour nous, c'était une fierté parce que, comme c'était un ami de mon père, donc voilà. Vous parlez de la défense 3-3. Voilà. Alors, votre papa, l'Arhmo, était, on va dire, votre entraîneur très longtemps. Ce n'est pas l'unique entraîneur, parce que vous en avez parlé d'un autre tout à l'heure, mais ça a été votre coach, en tout cas au moment où vous avez entrepris une carrière de haut niveau. Vous lui avez souvent rendu hommage, même de son vivant d'ailleurs, hein, vous l'avez dit. Il vous a tout appris, c'est quelque chose que vous dites souvent à propos de lui, même de son vivant, hein, pas que maintenant. Qu'est-ce que vous gardez des leçons qu'il vous a appris, l'Arhmo? Mon père, je vous ai dit et je le redis toujours, et ça restera toujours l'idole, l'exemple, l'institution, mon école. Donc il m'a beaucoup appris dans l'humain et surtout dans le travail. Ça a un rapport quand même, même si c'était des paroles qui avaient un rapport directement avec notre religion, qui en disait par exemple on laisse pas ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Donc et si tu dois faire un travail, tu le termines et tu le fais bien. Donc il m'a toujours appris ça. Donc, alhamdoulilah, j'ai acquis ça. C'est une richesse pour moi. C'est la plus grande richesse. Et surtout aussi, il m'avait appris l'humilité avec les gens. Et aussi, autant que personne, moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est qu'il vient du hand, certes. C'est vrai qu'il a fait une formation de maître de PS à l'époque. C'était ça. C'est l'équivalent de conseiller en sport aujourd'hui, je pense. Et il avait fait, c'était pas un entraîneur qui était renfermé sur lui-même et qui disait ouais, moi je connais, je sais, j'apprends toujours. Ça veut dire que même avec moi, il voyait que s'il y avait un problème, il demandait des conseils, il cherchait, et il y avait internet aussi qui venait d'arriver. Donc il rentrait, il achetait des bouquins d'anciens entraîneurs et il cherchait jusqu'à, il avait élaboré une technique ou une théorie d'entraînement uniquement pour moi. Et ça a donné ses fruits, alhamdoulilah. Il m'a laissé ça comme richesse. C'est vrai que ce qu'il a fait, lui, pendant toutes ces années où il m'a entraîné, notre entraînement n'existe nulle part. Ça veut dire que notre façon de nous entraîner, c'est pas une méthode, on va dire, que tout le monde utilise. C'est-à-dire que c'est notre méthode, c'est la méthode de mon père, l'Arhmo. Donc, voilà. Après, il a quelquefois été critiqué. Pour certains, ce n'était pas un entraîneur de haut niveau qui pouvait faire des résultats avec un athlète. Et je pense que les résultats que vous avez réalisés ont permis justement de démontrer tout le contraire. Les gens qui l'ont critiqué au départ, ils sont devenus des amis à lui après. Parce qu'ils ne les connaissaient pas, c'était des gens qui étaient plus jeunes que lui. Et qui ne savaient pas d'où il venait, mon père. Parce que nous, on est connus sur la place d'Alger pour des pâtissiers. On est des pâtissiers de la Casbah depuis 1920. Donc les gens, ils se disaient, c'est qui celui-là? Ouais, ils ont une pâtisserie algécente. Donc les gens, ils avaient... Mais que je salue aussi ces gens-là, c'est peut-être c'est la chose qui a fait pousser mon père à prouver voilà, d'où il vient. Mais voilà, mon père, peut-être pour eux c'était ça, c'était la critique, elle était juste de ce niveau-là, mais le résultat, on va dire la finalité des choses, on fait voilà, on ne peut pas dire plus de que ça que le résultat qui compte, voilà. En tout cas, vous restez très attaché à votre papa, l'Arhmo, vous parlez souvent de lui, j'imagine à vos enfants, qu'est-ce que vous leur dites quand vous parlez de votre papa à vos enfants, vous dites quoi? Ben, mes enfants, ils ont eu la chance de voir leur grand-père, l'Arhmo. Et l'aîné de mes enfants, rien que vous parlez de mon père, il commence à pleurer. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est ça. C'est un papy extraordinaire, j'imagine. Alors, est-ce qu'avec vos enfants, vous parlez aussi de vos performances, de vos consécrations? Est-ce que ça vous arrive avec eux de revoir une course, celle de 2003 à Saint-Denis, 2000 à Sydney? Est-ce que vous le faites? Oui. Oui, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, même le dernier, là, il a trois ans et lui-même, déjà, quand son grand frère, il commence à rentrer sur Internet, il dit, viens voir papa comment il courait. Donc, maintenant, comme en ce moment, je fais des allers-retours en France, donc ils viennent avec moi et ils ont des amis là-bas, ils leur disent, voilà, mon papa était champion du monde, ton papa, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, voilà. Oh là là, il chambre d'autres enfants. Français, ouais, français, il les chambre. Genre quand on était petit, Anna Baba, je vais à la Babac. Voilà, c'est un peu ce genre. Exactement. Voilà, mon papa est champion du monde. Parce qu'on connaît très bien, enfin, on sait très bien que quand on est enfant, il y a toujours des taquineries entre enfants. Et mon fils, bon, moi j'essaie d'apprendre à mes enfants que la vie, ou ce qu'on fait, la vie, elle n'est pas basée sur l'argent. Donc l'argent, c'est pas une raison de vie, même si ça fait beaucoup de choses bien. Mais c'est surtout les qualités de ce que tu fais qui sont plus importantes. Donc quand ils commencent à se chamailler entre, on va dire, copains de classe, l'autre il dit ouais, mon papa est ministre, mon papa est machin, comme ça. Ça se fait à l'enfance, ça se fait toujours. Comme on disait chez nous à l'époque, c'était quoi? Mon papa a une R16, pour nous c'était quelque chose d'ama. Voilà. Donc mon fils, dès qu'il a, on va dire, le degré maximum dans sa tête, il n'arrive plus à tenir. Il leur dit, ouais, d'accord, il n'y a pas de problème, ton père est ce qu'il est, mais est-ce qu'il a été champion du monde? Ouais. D'accord, donc... mon papa est champion du monde. Donc ça me fait plaisir parce qu'il comprend, on va dire, la valeur des choses. Mmh. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ils font du sport eux aussi. Et ça leur fait un petit peu mal de ne pas gagner tout le temps, c'est normal, c'est des enfants, il y a des enfants qui sont encore plus forts, mais cette capacité-là leur donne une autre capacité dans les études, ça veut dire que dans les niveaux intellectuels, dans l'école, ils sont toujours les premiers, ils essayent toujours d'être premiers pour on va dire, compenser un petit peu. Voilà. Voilà, il y a une autre compétitivité au niveau de leurs études. Alors parlons un peu de cette belle carrière sportive dont se vantent vos enfants. Un champion du monde, ce n'est pas rien, c'est vrai, mais c'est à 13 ans que vous commencez donc l'athlétisme. Après avoir eu un déclic comme ça un jour, vous vous êtes penché sur cette discipline et 7 ans plus tard, vous brillez déjà aux Jeux Panarabes, c'était à Beyrouth, et vous remportez l'or sur le 800 mètres. Pas que, puisque vous avez aussi décroché la médaille de bronze au 1500 et même le titre du relais 4x400 mètres. Exactement. En fait, quand j'ai commencé, c'était ma première consécration, c'était en 94, avant celle-ci. En cadet, je suis parti sur les bases du 800 mètres. Arrivé là-bas, il y a eu Micmac, machin, ils m'ont surclassé sur 1500, qui n'était pas ma spécialité. Donc du coup, j'ai couru le 1500 et j'avais décroché la médaille de bronze déjà en cadet. Bon, on va pas rentrer dans les si et si, parce que le chrono que j'avais qui m'avait qualifié, on va dire, au championnat du monde cadet, m'aurait valu une or en cadet. Non. Et en junior, après, certes que j'ai fait un petit passage, mais quand même un bon chrono à l'époque qui m'a fait qualifier au championnat du monde junior. Et juste une année après, en 97, j'arrive au championnat, je pense que c'était quel championnat avant les Jeux arabes. Avant les Jeux arabes, c'était les Jeux méditerranéens. Voilà. Oui, Bari, où je me suis qualifié. Et il y avait des grands noms du 800 mètres de la Méditerranée, on va dire. Il y avait Lahlou, il y avait Dousso, il y avait Longo, il y avait Adem Hassini, qui était algérien, qui était très, très, très, très, très bon à l'époque. Et moi, je venais arriver à 20 ans. J'arrive à 20 ans, donc l'inconnu, le petit nouveau, donc le bizutage. Et par mon tempérament, je ne me laissais pas faire. Donc, premier départ, je sors, je gagne ma série. Et c'est là où les hostilités, on va dire, commencent. Et j'arrive en finale, et Dieu merci, j'arrive et je termine troisième au jeu méditerranéen à 20 ans. Donc ça m'a ouvert les yeux. Juste après, il y a eu les jeux panarabes. En fait, c'était les Jeux panarabes, c'est en venu, et j'ai gagné pour confirmer le résultat de Bari, parce qu'il y a eu des tirs encore une fois. Et sur les trois courses d'affilée. Et juste après aussi, j'avais fait encore des médailles, je sais plus c'était quelle couleur, je sais que c'était de l'argent, au championnat arabe en Arabie Saoudite. Donc du coup, dans la même année, j'avais quand même une dizaine de médailles. Pour moi, c'était une ouverture. Et surtout, l'an d'après, il y avait en 99 les championnats d'Afrique qui se passaient à Dakar. Et là, c'était l'enjeu parce que 98, champion d'Afrique sur 800 mètres, surtout en 98, il y avait tous les meilleurs, on va dire, quand je dis tous les meilleurs, c'est-à-dire que les 8 meilleurs chronos mondiaux, c'était des Kenyans et des Éthiopiens et des gens et Marocains. Il y avait un Marocain, Lahlou, qui était voilà, les 8 meilleurs mondiaux, c'est-à-dire que tu vas gagner ou tu vas courir avec des gens comme ça, c'est dur. J'arrive là-bas, top, je fais les séries, on arrive comme d'habitude, ma technique de jeunesse, j'arrive en finale, je fais médaille, encore une fois une médaille qui confirme 97. Donc du coup, c'était pour la fédération algérienne, c'était pour eux, ça y est, c'est signé. On a trouvé notre athlète du 800 mètres, il n'y avait plus personne. Et ils m'avaient fait, à partir de là, la fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports ont tablé sur moi. Ils m'ont donné les subventions qu'il fallait pour m'entraîner, pour monter les échelons. Et vous confirmez encore les résultats après, puisque vous partez au championnat du monde de Séville en 99, vous êtes médaillé de bronze, devancé par le Danois Wilson Kipketer et le Sud-Africain Sepping, ça c'est des noms aussi, du 800 mètres. Et puis, la même année, vous établissez un nouveau record d'Algérie. Voilà. Alors c'est 1 minute 43 secondes et 9 centièmes, ça c'est pour les sportifs, voilà. Ils aiment bien les chiffres. Et vous remportez l'or sur le 800 mètres à Alger, au championnat d'Afrique des Nations, ici devant votre public. Donc voilà, confirmation sur confirmation. Exactement. Bon, après 99, comme je vous ai dit, c'était la première année où j'ai eu ma bourse de préparation. Mm-hmm. Du coup, j'avais commencé mon année avec un stage, c'était à Nymburk, en Tchécoslovaquie, en République tchèque plutôt. Et il y avait un excellent manager à l'époque qui nous avait aidé pour faire ça de l'époque, c'était Rizkan, celui qui s'occupait du marathon d'Alger. Mm-hmm. Il nous avait aidé pour faire ce stage-là avec Pavel, c'était un éminent professeur en Algérie qui a aidé beaucoup les Algériens dans le handball et qui est mort là aussi. Donc Pavel nous a aidé pour nous installer là-bas et nous trouver les meetings qu'il fallait. Et au meeting de Prague, c'était un grand meeting à l'époque, il avait réussi à me faire rentrer dans le meeting de Prague. Et c'est là où j'avais fait le premier chrono de 86 ou 85, qui m'avait permis de me qualifier au championnat du monde. Et j'avais gagné. J'avais gagné en fait devant des athlètes kényans qui étaient très très forts. Mais c'était une course tactique parce qu'il n'y avait pas de lièvre. Et c'est là où Pavel avait parlé avec mon père, il lui a dit « Votre fils, c'est pas un athlète de meeting, c'est un athlète de championnat, il pourra faire beaucoup de choses ». Donc à partir de là, comme j'étais militaire à l'époque, mm-hmm. on est rentré en Algérie et je suis parti pour les championnats du monde militaire qui se passaient en Croatie et j'avais fait une médaille d'or. C'était la première médaille d'or sur piste pour l'armée nationale algérienne populaire, bien sûr. Et juste après ça, une semaine après, il y a eu les championnats du monde de Séville, où je suis parti. J'ai confirmé en fait tout ce que j'avais fait en finale, où je me suis classé troisième, en remportant toutes les séries. Bien sûr, j'avais remporté toutes les séries avant la finale. Et c'est là où ça a commencé à faire peur, on va dire, aux autres athlètes, parce qu'ils ne comprenaient pas comment un jeune athlète il arrivait, à peine 22 ans, 21 ans et demi. À peine ça, et il commence, il gagne les séries avec un chrono de passage sur 400 mètres de 51, parce que c'est très très dur à suivre. Mm-hmm. Donc je prenais les taureaux par les cornes et je me suis dit voilà. Moi à l'époque, je me disais, moi je suis né en 9 mois, bon ils sont nés en 9 mois, bon il n'y a pas eu raison de peur. Donc pas mot d'homme, au pire. En plus, c'est pas évident, hein, les courses de demi-fond, comme le 800 mètres, ou même les courses de fond en fait. Hein, surtout quand il y a plusieurs athlètes d'une même nationalité, comme les Kenyans, en tout cas sur le 800 mètres. Parfois, on est pris au piège. Et vous êtes arrivé à chaque fois à déjouer, on va dire, les tactiques kenyanes. En fait, c'est un travail sur soi, on va dire. C'est un travail sur soi. Et c'est le mental. Voilà, c'est le mental. Il faut avoir confiance en ce qu'on fait. Parce qu'à l'entraînement, tout le contraire de peut-être de certains, avec mon père on parlait et on dessiquait un petit peu nos séances de travail. D'accord. Et je comprenais pourquoi je faisais ça et pourquoi je faisais pas ça et pourquoi avant la compétition on avait des séances un peu spéciales pour refaire la course faire la course avant la course on va dire. Mmh. Et c'est là où on commençait à faire notre tactique, toutes différentes tactiques de course, dans toutes les cas d'échéance, on va prendre ça. Et vous connaissiez tous vos adversaires sur le bout des doigts. Je regardais leurs courses. Il y en a quand même avec qui je me suis entraîné, donc je connaissais un petit peu leurs défauts, leurs points forts, leurs points faibles. Et majoritairement parlant, quand on parle de Kenyan, c'est des gens qui sont au train. Donc quand c'est vite et tout ça, c'est des gens qui partent au train. Et sauf certains qui sont entraînés par des techniciens réels qui font de la résistance vitesse. Donc ça, c'est ce qu'il faut pour un 800 mètres. Donc ceux-là, ils sont un peu plus dangereux et surtout les pays de Russes. Mmh. Les Russes, c'est un petit peu les mêmes méthodes algériennes. Donc c'est à peu près eux qu'il faut avoir peur, mais les autres, sauf voilà, les autres, c'est une question de jour. Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans leur jour et voilà, ils sont mieux entraînés que nous, mieux préparés ceux que nous, peut-être qu'ils vont gagner. Mais voilà, après, juste après Civi, on avait fait deux meetings où j'avais fait un 1000 mètres, ce n'est vraiment pas ma spécialité. J'avais fait à l'époque 2.14, c'était la deuxième performance après celle de Morsili en Algérie. Mm-hmm. Maintenant c'est la troisième parce que on vient d'avoir Merloufi Machallah qui a fait un très très bon chrono, j'espère pour lui qu'il battra le record du monde. Inchallah. Si j'étais encore en forme, là je l'aiderais pour qu'il fasse le record du monde. Mais bon, vous ferez le lièvre pour lui. Là je le ferai avec grand plaisir, rien que pour que le record soit algérien. Inchallah. Donc du coup j'avais fait le record d'Algérie sur 800 mètres à Bruxelles et c'était une course formidable parce que tout le monde était descendu sous les 1.43. Enfin, les trois premiers, et après le huitième avait fait quand même une 43. Donc, ça reste une de vos meilleures performances, je crois. C'est le record du monde, voilà, c'est le enfin, le record d'Algérie. Voilà, après, c'était la meilleure performance. Voilà, après, je suis resté sur une 43 quand même. J'ai fait 40, une 43 plusieurs fois et une 44 plus de 20 fois. Donc, voilà. En tout cas, vous avez réussi aussi à faire un très très très bon chrono. C'était en 2000 à Sydney, des JO qui vous ont marqué. Vous dites souvent que c'est l'une de vos plus belles courses à Sydney. Pourquoi? Bah, pour la simple raison que Sydney, logiquement, je ne devais pas courir parce que je me suis qualifié. J'étais blessé. Et grâce au défunt, au docteur Baba, j'ai réussi à courir. Et je salue aussi mon manager qui était à l'époque, c'est toujours, on a gardé de très bonnes relations. Mes deux managers, le manager algérien qui s'occupait de mes affaires algériennes et mon manager compétition, c'était Federico Rosa, qui m'avait dit: ramène une médaille. Les deux, ils avaient dit la même chose. Ramène-nous juste une médaille. Même si tu perds ta jambe, on te couvrira toute ta vie. Donc, on te greffera une à ta rentrée. Du coup, je rentre, je me blesse à l'entraînement. Je suis avec une blessure quand même qui était importante au niveau de la cuisse droite. Docteur Baba, il n'avait que 8 jours pour me soigner. C'était vraiment pas facile. Il l'a fait, pas me soigner, mais quand même, il l'avait éteint un petit peu, fait perdre un petit peu, pas la douleur à 100%, mais quand même, la douleur était là, mais qu'il a réussi à me mettre debout, rien que debout. Moi, ce que j'avais demandé, mets-moi debout, juste je peux courir. Après, en finale, voilà. En finale, je suis arrivé, j'arrivais pas, même si vous revoyez la course, vous allez revoir bien la course, et vous regarderez bien que quand je courais, j'étais toujours en train de m'appuyer sur une jambe que l'autre. Donc, du coup, c'était très difficile pour moi. Et il y avait aussi un petit problème avec Longo qui avait poussé Boucher. Voilà, André Boucher qui l'avait poussé au niveau du 200 mètres. Et là, ça a perturbé toute la course. Mmh. Donc, du coup, je me suis retrouvé à la 6e ou 7e place, fermé. J'ai dû partir au 7e couloir et terminer un dernier 80 mètres qui reste jusqu'à ce jour le plus rapide dernier 80 mètres de l'histoire du 800 mètres. Donc j'avais sorti mes tripes, tout ça. Voilà, donc pour moi, c'était une excellente course et une formidable course. Donc, au-delà du résultat, je crois que les JO de Sydney, pour vous et pour tous vos amis, hein, parce que je crois qu'il y a aussi une histoire d'amitié au bout. Vous êtes parti, vous êtes revenu avec 5 médailles. Une de bronze, ça c'est pour la boxe, mais 4 médailles en athlétisme. Bnidamrah pour le 1500, c'était l'or. Saïdi Siafali, l'argent sur 5000 mètres. Hamed, sur le 100 hauteur. Et vous, sur le 800 mètres. Et cette histoire d'amitié, cette belle histoire d'amitié qui vous a lié, qui vous lie toujours, je pense. Donc, ça reste aussi une compétition qui a beaucoup d'intérêt pour vous. On se connaissait tous depuis Cali. Voilà. Il y avait une amitié. Voilà. Il y avait vous, Ahmed. Même avec les autres sports, parce qu'en fait, on sortait de l'époque Algérie, de l'Algérie, quand on sortait tous en jeu, on partait tous en stage ensemble. Donc, on s'est connus à l'âge de 17 ans et jusqu'à ce jour, on est tous amis, tous copains, on n'a pas d'ambiguïté entre nous. Donc, voilà. Donc, jusqu'à ce jour, quand on se retrouve, on pleure des fois, mais bon, ça fait vraiment plaisir parce qu'on a gardé de très très bons souvenirs. Voilà. Alors, le succès, il est là. Après les JO, je pense que vous prenez goût à non pas seulement de faire des courses, mais à réaliser de bons résultats. Vous partez, donc après les JO, je crois, au championnat d'Afrique des Nations à Rhades. en Tunisie. Vous confirmez votre médaille d'or algérienne, donc médaille d'or africaine, hein, bien sûr, que vous avez obtenue en Algérie 2 ans auparavant. Vous faites des ravages, hein, partout où vous passez, les meetings, etc. Et puis arrive l'année de la consécration, l'année de tous les succès, 2003. Alors, on est au mois d'août, on est à Paris-Saint-Denis, c'est les championnats du monde d'athlétisme, on est en 2003. Et le jour de la finale, est-ce que vous vous souvenez de cette fameuse finale des championnats du monde sur 800 mètres, juste avant la finale? Dans quel état d'esprit? Comment vous vous sentiez avant? Est-ce que vous vous disiez à cet instant-là que je vais gagner la finale, je vais remporter l'or et je vais prouver à tous ceux qui ont cru en moi qu'ils ont bien fait, notamment votre papa? À qui vous pensez, à quoi vous pensiez à ce moment-là, avant la finale? Sans être prétentieux ou quelque chose comme ça, c'est vrai que les gens qui étaient avec moi présents, en l'occurrence la nuit de la médaille, il y avait Mohamed Hossein, l'entraîneur de Bayer Houli, il y avait Zitouni, Zeno, qui est maintenant secrétaire général de la Fédération algérienne d'escrime, qui fait un très très bon boulot là-bas. Et on était ensemble en train de jouer aux cartes, et eux, ils étaient plus stressés que moi. Ils me regardaient, ils me disaient, hey, il est minuit, tu vas pas dormir, toi? On dit, vous inquiétez pas, demain, Charles, je calme. Il était, mais t'es fou, pourquoi tu parles? J'ai dit, je sais, je le sens. Et c'est vrai que je le sentais, que voilà, je sentais, après les courses que j'avais effectuées, je sentais la victoire. Et même un de vos collaborateurs sur la chaîne 3, Abdou Serwani, pourra confirmer ça, que, parce que comme c'était mon attaché de presse à l'époque, et il m'avait dit, il avait tellement peur, je sais même plus combien de paquets de cigarettes il avait fumé. Je lui ai dit, écoute, Abdou, ne t'inquiète pas, je vais Inch'Allah gagner. Et la finale arrive, je rentre dans la salle d'échauffement, tous les athlètes étaient là, mon père Lahermou, il était là, et il sortait juste de l'hôpital, parce qu'il avait fait l'année 2003, c'était l'année où mon père avait fait un infarctus, donc il avait fait un double pontage, et on avait arrêté l'entraînement pendant un mois et demi à cause de son hospitalisation. Alhamdoulilah, c'est là où j'avais encore plus d'espoir et plus de courage pour gagner cette médaille, parce que j'ai vu ce que l'Algérie était. Tout le monde était là juste pour que je sois prêt. Donc du coup, je suis arrivé, il y avait presque tout le monde. Il y avait mon père qui était blanc au sens peur. Il y avait mon kiné, Allah rahmou, Yahyaoui Mahmoud. Et ils étaient tous les deux, mais vraiment si tirés de peur. Et je les regardais, je dis, qu'est-ce que vous avez à faire? Allez-y. Non, il n'y a pas de problème. Alors, surtout dans le terrain d'échauffement, on voit tous les concurrents qui sont en train de faire des étirements et tout ça. Alors, on voyait dans des lignes droites qu'on a, avant de rentrer, on fait des lignes droites pour voir un petit peu est-ce que la forme elle est là. Et vous voyez les autres en train de faire des lignes droites assez fortes, assez debout. On dit, voilà, vous inquiétez pas. Je sais que là, c'est, je sais pas, mais je sais que je le sentais. Cette médaille, sincèrement, je la sentais parce que, un, historiquement, c'est Paris. On le veuille ou non. Oui, c'est vrai que c'est une course importante. Voilà, enfin, pour nous, comme on disait ironiquement, mais on le disait, c'était la première fois qu'on va pouvoir faire lever le drapeau algérien non protocolaire dans un pays qui était quand même notre collant. Et alhamdoulilah, Dieu merci, je rentre dans la piste, je regarde, je fais un petit tour pour regarder toutes les tribunes. Il y avait quoi, 3 ou 4 drapeaux. Et ben voilà, j'arrive, je prends vraiment un bon souffle, je descends, je fais ma prière habituelle, le rituel, on va dire, chaque athlète a un rituel d'avant départ. Je souris comme d'habitude, je fais le fou. En fait, je fais mon fou et tout ça. Et une fois que après le clin d'œil, en fait, je rentre dans ma course. Et une fois rentré dans ma course, je dis voilà, je vais gagner. En fait, en faisant mon tour, c'était une façon de regarder le visage de mes adversaires pour voir dans quel état d'esprit ils étaient. Et le principal adversaire pour moi à cette époque, c'était le Russe. Ouais. Et quand je me suis retourné, j'ai vu ses lèvres blancs. Je me suis dit, c'est bon, c'est dans la poche. Il a douté de lui-même. Ouais, il était le plus fort entre nous ce jour-là en question de chrono. Mmh. Mais il était douteux. Jusqu'à ce jour, on est encore amis. Je lui disais, ce jour-là, t'avais peur? Il m'a dit oui. Donc c'est ça qui a fait que je me suis dit, juste avant la course, qu'on peut le faire. Après, dans la course, toute la course, je ne pensais qu'à une seule chose, de gagner. Voilà. Et vous avez gagné. Vous avez devancé Youri Borzakovsky de 3/100. Et il y a cette image que je revois souvent, en tout cas que j'ai revue avant la préparation de cette émission, une image formidable. À la fin de la course, vous dans les bras de votre papa avec le drapeau sur les épaules et votre père qui pleure de joie, de bonheur. C'est la consécration, Djabel. Oui, parce que en fait, c'est... C'est aussi un hommage, hein. Je crois que cette image, c'est aussi un hommage que vous rendez à votre père, parce qu'il a tout donné pour vous, il a tout fait pour vous. Et je pense que la victoire, que cette médaille d'or, pour lui, c'était vraiment une façon de lui dire merci. Bon, je suis désolé, mais... Facile émotion, il n'y a pas de souci. En fait, ouais, c'est vrai, c'est normal. C'est que quand je gagne, ils mettent un peu de temps pour déclarer le vainqueur, parce que ça a pris quand même 3 minutes pour qu'il déclare. Ouais. Et une fois déclaré, bah, en fait, je me retourne et vers le côté où il y avait mon père et mon ex-femme à l'époque, bah, aussi Laure Edouane, qui était quand même escrimeuse. Et subhanallah, c'est comme s'il y avait une lumière qui me montrait où j'étais. Donc, je suis parti normal chez mon père, parce que à l'âge de 17 ans, j'avais c'est rare que je dise ça, mais aujourd'hui, je sais pas, je pense le dire parce que ça peut aider beaucoup de jeunes. À l'âge de 17 ans, avant de vraiment d'entamer ma carrière, j'avais entrepris ça, c'est y a que mon père qui le sait. Malheureusement, il est parti avec. J'avais entrepris une parade pour m'échapper de ce pays-là. Parce qu'à 17 ans, je me suis, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, mais bon, d'une façon un petit peu moins dangereuse que ce qu'ils font, j'avais entrepris le départ définitif de d'Algérie. Et mon père m'a bucherie. Et pendant 2 heures, je pense, on parlait au stade d'annexe. Il me disait, mon fils, fais-moi confiance, on gagnera un jour, on va devenir champion du monde. Donc tout est revenu le jour de cette finale, cette fameuse conversation que vous avez eue avec votre papa. Et finalement, vous avez bien eu raison de l'écouter. Ouais. La sagesse du père. Voilà, donc... Voilà, et le drapeau de l'Algérie a flotté, l'hymne national Qassaman a retenti, une médaille d'or qui restera dans les annales de l'athlétisme algérien, une très très belle victoire, bel hommage aussi rendu à votre papa, l'Arhamou. Et puis, quelques années après, à 30 ans, ouais. Issa Djabir Saïd Ghazni prend sa retraite. À 28 ans. 28 ans. 28 ans. 29 28 C'était en 2006. 2006. Ça fait 29 ans. Trop tôt pour certains, hein. Beaucoup ont dit que c'était un peu une décision prise à la hâte. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez votre décision ou est-ce que vous confirmez que vous n'auriez pas pu? Ça m'a permis beaucoup de choses d'apprendre et ça m'a permis de refaire d'autres études. Ça m'a permis d'avoir plus d'enfants. Oui, 3. Allah ybarak bikhlihom lak. Et comment on gère justement la pré-carrière sportive, surtout, même si le sport reste en vous, il fait partie de votre vie, vous êtes sportif dans l'âme, donc il n'y a pas de souci, mais on se reconvertit forcément vers quelque chose. Vous nous l'avez dit en début d'émission, vous avez été consultant en sport, vous avez fait plein de choses, vous avez notamment présenté une émission, vous nous avez parlé en début justement, une émission pas culinaire, mais des conseils de santé, ça s'appelle Sahti Fi Makelti. Voilà, elle passait au mois de Ramadan, je crois, non? Exact. Et voilà, et vous étiez là à donner des petits conseils. En rapport directement avec le sport et la santé et la nutrition. Comment est née cette idée? Pourquoi cette idée-là? Pourquoi justement une émission de santé et non pas une émission de sport? Pourquoi spécialement ce choix-là? En fait, bon, comme au départ vous m'avez questionné par rapport à la conversion, bah, les athlètes, en fait, chacun comment il voit sa carrière et comment il se voit après carrière. On a tous quelque chose, on va dire, dans la tête. Mais je pense que les premières années, tout le monde se cherche. Parce que c'est très difficile de revenir à la réalité après avoir vécu pendant quand même une dizaine d'années dans un monde de, on va dire, de paillettes. Faut pas se le cacher. Les grands hôtels, les princes, les rois, on voyait tout ça, tous ces gens-là. Après revenir à la réalité, quand même, c'est dur. Donc il y a certains qui arrivent à s'en sortir et qui sortent un petit peu du lot ou qui continuent sur le même type de vie. Et il y a d'autres qui se recherchent. Et il y a chacun comment il prépare sa sortie, on va dire. Moi, j'avais quand même un petit peu entrepris ça très très jeune avec, comme je vous ai dit, mon manager qui s'occupait de mes affaires en Algérie. Donc c'est lui, déjà dès le départ, il commençait à m'aider à l'investissement, à faire des investissements à droite, à gauche et surtout à m'aiguiller vers le futur. Ça veut dire qu'il fallait pas juste penser sport aujourd'hui, mais quand même il m'aiguillait de faire des petites formations, même si c'était sans diplôme, qui étaient payantes, par exemple dans le managerat du sport ou dans l'informatique ou l'audiovisuel. J'ai fait un peu tout par rapport à ça. Après, bon, c'est pour comment je me suis retrouvé derrière l'écran. En fait, ça c'est grâce aux journalistes. grâce à ce journalisme, parce que pendant les années où j'étais athlète, même s'il y a eu des hauts et des bas avec certains journalistes, où par exemple où je voulais pas parler parce qu'ils étaient moqueurs et un petit peu qui étaient là pour montrer la mauvaise image de mon pays, donc non. Mais la plupart des journalistes avec qui j'ai eu beaucoup d'affinité et d'amitié m'ont facilité la chose, parce que ils ont vu que j'avais une facilité de communication devant un micro ou devant une caméra. Donc on m'avait conseillé de faire des émissions de télé. J'étais un peu chouchouté par les journalistes, c'est-à-dire que j'étais plus invité dans les émissions de télé ou des émissions radio, que toutes les radios algériennes bien sûr, toutes les radios sans exception et toutes les télés algériennes, avant que le privé arrive. Et c'est de là où s'est née en moi une petite envie d'être animateur, on va dire, télé, ou pas journaliste, parce que je ne peux pas être journaliste, je n'ai pas fait les études pour, mais surtout d'être coordinateur d'une émission ou consultant. C'est là où ça a commencé en fait avec le consulting, on va dire, à chaîne 3, déjà la première. Après, ça a été à l'étranger, j'ai fait avec Jazeera, j'ai fait consultant avec Jazeera, et j'ai fait consultant, mais sans être à la télé, enfin, direct directement sur des écrans avec TV5. Donc j'ai travaillé quand même un petit peu comme ça, on va dire, et de là c'est né. Donc j'arrive chercher un petit peu à faire ma propre émission. Je suis en train de préparer quelque chose pour que je puisse avoir ma propre émission. Et en parallèle, un de vos grands, on va dire, animateurs, qui est un ami intime à moi, qui m'a toujours soutenu dans ce sens-là, c'est Riyad Ben Khaddim. Donc je salue, qui a beaucoup, on dira, participé à cette rencontre. J'ai travaillé avec lui, j'ai été avec lui en tant que stagiaire, entre parenthèses, je voyais comment il faisait, comment travailler, il m'a appris des choses. Riyad Ben Khaddim, notre ancien collègue du service des sports de la chaîne 3. Exactement. Donc du coup, après, la première occasion qu'il y a eu, c'est une dame qui venait de créer sa propre boîte de communication et audiovisuelle. Et je sais pas, c'était peut-être une fan. Elle avait besoin d'une tête qui passait mieux à la télé. On lui a conseillé. D'une personnalité. Voilà. Et quelqu'un un sportif qui passait bien à la télé, que les gens aimaient voir peut-être. Je sais pas, jusqu'à ce jour, elle veut pas me dire qui a conseillé mon nom. Donc, quelqu'un. Vous avez dit oui à la proposition. Oui, j'ai même pas, parce que tout le monde me posait la même question, la question algérienne, d'Al Fiadraham ou d'Al Fiadraham. Donc, elle peut confirmer que quand on a commencé à discuter, et Dieu mettez-moi, la première des choses que je lui dis, on parle pas d'argent. On parle d'expérience, parce qu'il faut que j'acquitte une expérience par rapport à ça. Et vous avez fait l'émission en deux langues, en français et en arabe. Oui, français et arabe. Ouais, en français et en arabe. Donc on a commencé, c'était dur au départ. Pour elle, c'était la première fois. Pour moi, c'était la première fois. Je ne sais pas l'écho que ça a donné, sincèrement. J'ai eu des échos des gens que je connais. Les gens que je connais, tout le monde a dit que c'était bien. Mais après, j'ai vu sur les réseaux sociaux et sur une autre chaîne où on montre des vidéos. Donc j'ai vu les réactions des gens. Donc ça va, plus ou moins. Les gens ont bien aimé comment j'ai présenté les choses. Certes, c'est une nouvelle expérience, donc il y a des défauts, mais ce qu'il y a, c'est que ça m'a permis quand même de faire un petit pas en avant. Du coup, je me suis permis de luxe, on va dire entre parenthèses, de repartir en France pour faire une petite formation dans l'audiovisuel. J'ai pas encore terminé, mais c'est une formation non diplômante, malheureusement, parce que les formations diplômantes, elles sont très très très chères. Alhamdoulilah, je suis en train de faire ça doucement, tranquillement. Et du coup, quand je reviens, Inch'Allah, on verra. Donc si voilà, c'est ça. Si la reconversion, elle est là. Donc c'est vraiment l'audiovisuel. C'est un domaine que vous aimeriez, dans lequel vous aimeriez vous lancer. En parallèle, oui. En parallèle, parce que ça reste toujours mon premier objectif, c'est de rester auprès des sportifs, mais dans le côté direction. Ça veut dire que mon souhait, c'est d'être carrément dans les prises de décision dans le sport algérien. Si on fait appel à vous aujourd'hui, que ce soit au niveau de la Fédération algérienne d'athlétisme ou au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Sports, si on fait appel à vous aujourd'hui, vous serez d'accord? Oui, on m'a déjà fait des propositions. Pour un poste de dirigeant. On m'a déjà fait des propositions. Bon, au niveau fédération, non, ça ne m'intéresse pas, sincèrement, parce que je ne pourrais rien apporter à l'athlétisme. D'accord. Donc il faut qu'on soit clair et honnête. Je pourrais peut-être apporter au niveau vraiment strict athlétique, mais rien d'autre. Mais moi, ce n'est pas ça que je cherche. En fait, je cherche carrément dans les directions, on va dire, qui sont là pour donner le plus, comme Ben Mersoula, Samia, elle est en train de faire, mais elle est toute seule. Elle a fait ses preuves en tant que dirigeante aux Fédérations Algériennes de Natation. Donc après, au niveau du ministère, elle a beaucoup apporté. Donc si on est 4-5 comme ça, je pense que certaines spécialités ou certains sports algériens vont avancer, mais d'un pas vraiment réel, parce qu'on est pragmatique. Donc c'est un peu ça vos projets, mais est-ce que vous avez aussi d'autres projets peut-être personnels? D'autres projets personnels, donc dire, mis à part ces deux-là, personnels, après avoir plus d'enfants déjà. Non, j'ai 3 enfants, j'aimerais bien avoir au moins minimum 5, comme ça je pourrais avoir une équipe de 4x400 pour l'Algérie Inch'Allah. Plus tard. Inch'Allah. Non mais sérieusement, mes projets personnels, ils ont un rapport directement avec ma famille. C'est-à-dire que faire au mieux que mes enfants, ma famille proche, soient bien placés dans le sens où leurs études, ils peuvent avoir de bonnes études, de rester en Algérie, d'apprendre le maximum de choses d'Algérie. Pourquoi pas, je dis ça, c'est personnel. Après, pourquoi pas faire des trucs à travers l'Algérie. Je sais pas, créer un système de conférences aux éducateurs sportifs et les entraîneurs qui débutent, comme ça se fait partout dans le monde, dans les universités. On ne le fait pas, nous, en Algérie, malheureusement. Des universités où ils invitent les grands champions, il n'y a pas que ça à Edgar, on en a tellement que voilà, qu'on les oublie pas déjà, qu'ils viennent faire un petit peu part de leur expérience, mais technique surtout et psychologique par rapport à leur carrière. Voilà, mais après, alhamdoulilah, moi ma personne, je la vois, alhamdoulilah. Moi, j'ai tout eu comme athlète, alhamdoulilah, j'ai tout eu comme être humain, donc Dieu merci, je suis en bonne santé. Le reste de ma famille qui est encore vivante et en bonne santé, que Dieu me les garde. Donc, que ce soit ma mère, qu'elle reste à nos côtés, qu'on puisse jouir de sa présence le maximum possible, que mes frères et sœurs soient aussi comme on est, on reste comme on est, alhamdoulilah. Voilà, donc personnellement, c'est ça. Et Sajabir Saïd Ghazni reste aussi très proche de son pays et il est là. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il répondra présent. Ça a été un plaisir de vous avoir. C'est passé très vite. On a dit beaucoup de choses. On a encore une fois rendu hommage à votre père et ça, j'y tenais à le faire à travers vos mots, à travers vos émotions, à travers votre présence. Merci Sajabir Saïd Ghazni et j'espère vous revoir très bientôt avec d'autres projets, d'autres réussites, pourquoi pas, et plein d'autres choses. Merci Amel et c'est toujours un plaisir d'être ici. Circles around.